Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Broken now and cannot be repaired. Well, you were just meant to be temporary while I waited for gold. We filled up the years and I found that I liked having someone to hold. But for you I had to wait. Until one day it was too late. Yeah. you turn your back, then you walk away. A moth without a flame, night without a day. Someone calls your name, there's no sign you hear, no comfort for the saint, no sunshine in your rain. Love is an emotion so strong, it hurts the way you. Love is an emotion so strong, you can see what's real. Lost in your devotion, never finding answers, guilty of no crime, just sentence without ending. Now you choose to by the old, hounded by the night. Thought you couldn't share, darkness found you there. Just a quick goodbye, like we did. Falling in despair, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On a démarré cette édition de novembre avec Steve Wilson. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que Steve Wilson, le mentor de Porcupine Tree, eh bien, sera dans nos murs demain au Transborder à 20h. Un concert à ne pas rater, puisque son dernier album, dont je vous ai passé un large extrait, The Raven That Refused to Sing, est une pure merveille. Donc tous demain au Transborder, Steve Wilson à 20h. On a continué avec un grand aussi qui est de retour, comme disait l'ami Christian, Barclay James Harvest, et pour être plus précis, le Barclay James Harvest de John Lees. Vous savez que le groupe a splitté avec les deux leaders, et donc qui mènent chacun de leur côté une carrière. Donc cette fois-ci, c'est bien le Barclay James Harvest de John Lees, un nouvel opus intitulé North, comme le Nord. On continue justement avec le vieux Barclay James Harvest. J'avoue avoir redécouvert tout récemment October Run, que ça date de 76, et je suis tombé sur une petite perle. Je suis pas sûr que vous la connaissiez, donc on va se faire plaisir avec un petit retour dans le passé en 76, October Run, tout de suite Barclay James Harvest.

a future, but at what cost? Talk. S'était croisé en septembre de l'année dernière au festival de York, festival organisé par l'ami Tim Hunter. Je veux parler de Guy Manning. Guy Manning, si vous préférez, c'est le mentor, le leader de Manning. Et ce petit bonhomme rondouillet avec la barbiche et la casquette de marin, eh bien, est de retour avec un nouvel album de toute beauté, The Root, The Leaf and the Bone. The Root, The Leaf and the Bone, la racine, la feuille, avec un bel accent lyonnais, et l'os. Voilà, nouvel album de Manning. La dernière fois, l'actualité était tellement dense que je n'ai pas pu vous passer un extrait du deuxième album de ce groupe italien resplendissant. Je veux parler de Il Tempio delle Clessidre. Alienatura, c'est leur deuxième opus. Ils nous avaient fort impressionnés avec le premier. Les voilà de retour. Et c'est, ma foi, superbe. Le temps de la Clepsydre, tout de suite sur Progapar et l'émission du rock progressif, le 100.7. weiß. Es erlöschen und entflammen in Unendlichkeit. Sich ergänzen mit allen Grenzen, das Gefühl erfasst. Sich einmauern, überdauern, aufopfernd gehasst. Es gibt mehr als wir glauben, es gibt mehr zu verstehen. Ein Geheimnis in dir. Es gibt mehr als wir glauben, es gibt mehr zu verstehen. Ein Geheimnis in dir. Ausgleichen im Moment erlangt. Offenbaren und verstehen, Wirklichkeit erkannt. Sich begegnen, neues Ebenen, vereint in Raum und Zeit. Sich erleben und ergeben in Verletzlichkeit. Es gibt mehr als wir glauben, es gibt mehr zu verstehen. Ein Geheimnis in dir. Es gibt mehr als wir glauben, es gibt mehr zu verstehen. Ein Geheimnis in dir. Es gibt mehr als wir glauben, es gibt mehr zu verstehen. Ein Geheimnis in dir. Es gibt mehr als wir glauben, es gibt mehr zu verstehen. Ein Geheimnis in dir. Que c'est bien, dit-il, Traumhaus, je le prononce très mal. C'est un nouveau groupe allemand, Traumhaus, la maison des rêves. Deuxième album, si je ne dis pas de bêtises. Alors, excusez l'accent, Das Geheimnisteil. Geheimnisteil, voilà. Deuxième album de ces jeunes Allemands, m'ont tellement séduit, j'ai tellement craqué sur leur musique, avec cette influence qu'on sent tous à la fois d'Anyone's Daughter et de Novalis, que je les ai interviewés, disais-je, dans le Nouvel Acid Dragon, lequel Nouvel Acid Dragon vient de sortir, Traumhaus. On continue avec le Hollandais presque fou et volant, Chris, je veux parler de Chris. Il revient avec un nouvel album, décidément c'est un homme très productif, un disque superbe au niveau de la pochette en tout cas, intitulé Days of Summer Gone. Vous allez voir, c'est très sympa, très doux, peut-être un petit peu trop doux, mais en tout cas mieux que le précédent opus qui, ma foi, m'avait un poil déçu. Chris, comme le prénom, tout de suite sur Prog à part. Thank you. There's no one else. Cold winds rise. n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Dunker Sol, 100.7. On trouve dans un mois, ce sera, si je dis pas de bêtises, lundi 2 décembre, de 20h30 à 22h30. D'ici là, eh bien, au niveau concert, je vous rappelle, demain, ne ratez surtout pas Steve Wilson. Son dernier album est superbe, le précédent aussi. Donc, ce sera que du bon 20h, donc, au Transborder. Et, comme je disais à l'ami Michel, je viens le découvrir sur le site de Sol que les Pretty Things, il a fallu que j'aille vérifier, ben oui, les Pretty Things sont en concert dans notre région. Incroyable. Le vendredi 29 novembre, vendredi 29-11, donc c'est pas encore passé, on a de la chance, 29-11 à 20h30, ils sont, je peux même vous donner les tarifs, 14 et 17 euros, ils sont en concert aux abattoirs, ça y est, c'est un lieu bien sympathique, à Bourgoin-Jallieu, donc foncez, ce groupe contemporain des Stones et des Beatles en concert, c'est à ne surtout pas rater. Voilà, et après, ultérieurement, en décembre, si ma mémoire est bonne, mais elle fonctionne encore bien, The Gathering sera dans nos murs. Donc voilà, que des bonnes choses. D'ici là, eh bien, vous retrouverez l'émission en podcast grâce à Marie et Jean-Louis, qu'ils en soient ici remerciés. Donc, sur le site d'Acid Dragon, lequel Acid Dragon est tout frais sorti avec plusieurs interviews de groupes vus au Proc Sud, l'Herba d'Amélie, par exemple, avec Yuka Chronoship, les Japonais qui montent, avec Trauma House, dont je vous parlais tout à l'heure, le groupe allemand que vous avez pu apprécier. J'en passe et des meilleurs. 64 pages, 3 euros et un CD gratuit pour ceux qui s'abonnent. Toutes les détails, toutes les conditions sur le site d'Acid Dragon, acidragon.eu, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, et ben il est temps pour moi de rendre mon tablier suivant la formule consacrée. Je vous pète la miaille et tati, tenez tati, à cola prochaine. C'était Prog à part, l'émission du rock progressif qui persiste et signe depuis 1986. Une émission proposée, présentée par Thierry Sportouche avec le soutien logistique de Marie et Jean-Louis et le soutien moral de Michel et Olivier. Et j'oubliais bien sûr l'autre Jean-Louis, il va m'assassiner, bien sûr l'autre Jean-Louis de Saint-Genis qui est aussi fidèle au poste. Voilà, et puis bien sûr, merci à tous ceux qui nous écoutent en podcast. Thanks a lot for listening to us and see you soon.